pas ici, et pourquoi, s'il te plaît? Il est là, et dans lui, dans José, dans la foule, il se cache, regarde. Oui, je le vois. Regarde, je ne suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends, je vais lui parler. Carmen, crois-moi, regarde. Je ne crains rien. Regarde. Averti que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'homme avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et n'ai pas voulu fuir. Je ne menace pas, je pleure, je supplie. Votre passé, Carmen, votre passé, je l'oublie. Oui, nous allons tous deux commencer une autre vie. Et de manière impossible, Carmen jamais n'a maudit. Son âme reste flexible. Entre le toit, tout est fini. Jamais je ne mentis. Entre nous, tout est fini. Carmen, il est temps encore. Oui, il est temps encore. Oh, ma Carmen, laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Oh, laisse-moi te sauver. Tu me sauveras avec toi. Je sais bien que cela, je sais bien que tu me tueras, mais que je vive ou que je meure, non, non, non, je ne te céderai pas. Carmen, il est temps encore, oui, il est temps encore. Laisse-moi te sauver, moi que j'adore. Oh, laisse-moi te sauver, il me sauvera avec toi. Oh, ma Carmen, les temps encore. Laisse-moi te sauver, laisse-moi te sauver, toi que j'adore. Plus. Tu ne massacres les bandits, tout ce que tu voudras, tout tu m'en vas, tout tu m'en vas, tout. Mais ne me quitte pas, oh ma Carmen, oh souviens-toi, souviens-toi du passé. Nous nous aimions naguère. Ne me quitte pas, Carmen, ne me quitte pas. Jamais Carmen ne cédera. C'est moi qui l'ai tué. Oh.